Ça fait donc très longtemps qu'il n'y avait pas eu de réunion publique du syndicat de la CTAIT sur Montauban, et ça va faire au moins 4 ou 5 ans. Donc, le syndicat de Montauban, c'est un syndicat qui existe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, quoi, qui n'a jamais été très nombreux, quoi. Mais malgré qu'on ne soit pas très nombreux, on a fait quand même un certain nombre de choses. On peut parler, par exemple, on a participé à un truc, c'est la défense d'une personne que les journaux locaux appelaient l'esclave de l'eau verte, donc un gars qui était particulièrement exploité, etc., qu'on a défendu et qu'on a libéré réellement, quoi. C'était un véritable esclave. Bon, on avait participé également à des luttes, comme une lutte sur Nègre Pelisse, une boîte qui a fermé, qui s'appelait Newell. Bon, c'était une boîte, une petite fonderie où il y avait donc une vingtaine d'employés. On avait un grand copain qui était militant dans la boîte à l'époque. Et donc, la boîte appartenait à un grand groupe américain qui délocalisait en Espagne. Bon, la boîte a finalement été délocalisée en Espagne, mais les employés ont multiplié par 3 ou par 4 les indemnités de licenciement, quoi. Donc, c'était un petit truc. Bon, après, il y a eu les défenses de personnes, quoi, des gens qui ont fait, je m'appelle moi, un gars qui travaillait au noir pour une pizzeria, qui en fait son patron voulait pas le payer, on s'était débrouillé pour le faire payer. En fait, des tas de petites luttes comme ça qui ont été menées et qui montrent que même quand on n'est pas très nombreux, même quand on n'a pas beaucoup de moyens, et bien en fait, avec un peu de volonté et en appliquant les principes anarcho-syndicalisme, c'est-à-dire l'action directe, la démocratie directe, la solidarité, et bien on arrive à obtenir des résultats vraiment tangibles, quoi. Donc ça, c'est un tout petit truc. Voilà. Bon, après, alors pour cette première réunion, donc on a choisi un thème, donc, qui est la situation sociale en France en 2013. Alors ça, c'est un thème très très vaste. La situation sociale, eh bien, tout le monde, c'est ce qu'il en est, hein. Il n'y a pas de jour où on n'apprend pas qu'il y a des fermetures d'usines, qu'il y a des licenciements. Tous les mois, on apprend que le chômage a augmenté. Tous les mois, on apprend qu'il y a de plus en plus de gens qui vont au restaurant du cœur. Donc, toutes ces choses-là, tout le monde en est parfaitement conscient. Dans le même temps, on apprend aussi que, en fait, les riches sont de plus en plus riches, pour être clair, et que les pauvres sont de plus en plus pauvres, et que l'écart entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi important, quoi. Bon. Et face donc à cette situation, en même temps, on constate que tous les jours, les droits des salariés, les droits des employés, ils diminuent, quoi. Sans arrêt, quoi. Il y a eu, par exemple, les histoires de la Nil, en fait, etc., etc. Donc, face à cette situation, quoi, c'est un petit peu le sujet du débat, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un petit peu de ça que l'on voudrait parler, quoi, que l'on peut dire. Parce que cette situation actuellement, il y a un truc qui est quand même frappant, c'est que dans cette situation qui est absolument catastrophique, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement aucune réponse, hein. Tout ce que l'on voit, ce sont des syndicats institutionnels qui signent des accords. Bon, encore dernièrement, il y a eu un accord de compétitivité, entre guillemets, qui a été signé à la régie Renault. Enfin, il y en a tous les jours, en fait, bon, qui prévoit donc une baisse des salaires, enfin, etc., des conditions de travail qui sont dégradées. Bon, au niveau national, il y a des trucs qui sont signés par des syndicats institutionnels également, comme l'ANI, qui constituent de fait une dégradation, un recul en arrière formidable pour les salariés. Et donc, par rapport à toutes ces situations, en fait, donc on s'aperçoit que les syndicats aujourd'hui institutionnels sont complètement intégrés dans le système et qui participent objectivement à la gestion de ce système. Bon, donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on peut faire, en fait, pour répondre à toutes ces problématiques, quoi. Voilà. Après, le principe, c'est un petit peu un débat, hein, c'est ce que l'on voudrait faire. Et donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent rebondir ou qui veulent par rapport un petit peu à tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut dire, pour que le constat, tout le monde peut le faire, hein, que la situation est en pleine régression, ça c'est clair, et qu'il y a une espèce d'apathie voilà. Le fatalisme qui règne dans la population, peut-être même que ce n'est pas forcément de l'apathie, mais plus de l'incrédulité que les gens éprouvent par rapport à ce qui se passe. Ils n'arrivent peut-être pas à intégrer vraiment ce qui se passe. Il y a une forme de surprise, qu'on va dire, qui est entretenue. Et donc voilà, c'est ce que je ressens un peu dans le climat social, quoi, parce que c'est plus pour parler du climat social et des mécanismes et des ressorts que le pouvoir emploie pour entretenir ce fatalisme et cette apathie qu'on débat. Quoi. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas très bon pour m'exprimer. Non, mais si c'est ça. Mais dis donc, même on parle de résignation et d'apathie, mais c'est plus ça, fort que ça, parce qu'en fait, il y a des trucs, après, on voit des choses extraordinaires, c'est-à-dire qui n'existaient pas auparavant. C'est devenu assez courant d'entendre que des salariés, parce qu'ils étaient, leur situation, leur mal-être était devenu intolérable, bon, les salariés ou les chômeurs en arrivent donc à se suicider. Bon, encore tout dernièrement, il y a eu, là, mais pas plus, enfin, bon, il y a un mois ou deux de ça, il y a un gars qui s'est fait brûler à Nantes. Il y en a un autre qui a voulu se suicider hier ou avant-hier, donc dans la région parisienne. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris, donc on apprenait, j'ai vu ça dans Le Monde, qu'en fait, que même les personnels maintenant de Pôle emploi, ils sont formés au cas où il y a quelqu'un qui vient se suicider chez eux pour réagir instantanément. C'est-à-dire qu'on vit dans une folie absolue, quoi. C'est-à-dire qu'on forme les gens maintenant pour éviter. Donc on a... c'est ce qui est terrible. C'est ça, c'est que c'est presque devenu normal, tu vois, enfin, une espèce de truc. Enfin, l'isolement est tel des gens, enfin, ils se flinguent et puis effectivement, le truc. C'est l'isolement qui fait. Bon, parce que de toute façon, dans les boîtes, il y avait des pratiques, effectivement, de lutte. C'est pour ça que la lutte, elles étaient partagées. C'était rarement, il y avait des mecs qui étaient grandes de gueule et qui allaient au charbon tout seul, mais il n'y en avait pas beaucoup. En fait, c'était proportionnellement, c'était surtout des luttes solidaires. Donc, il y avait un mec qui avait une brimade, bon, on était avec lui. Parce que, il y avait une classe qui n'y a plus. Clairement. Donc, c'est vrai que c'est pour ça. C'est vrai que bon, là, c'est quand même de l'abandonnisme total de la part des gens. Et c'est vrai que bon, avant, le mec qui pétait les plombs, il cassait la gueule. Mais maintenant, effectivement, on arrive à se détruire en soi-même. C'est ça. Ça, c'est un mécanisme qui se met en place. C'est rien de surprenant. C'est vraiment l'acceptation de tout, comme par exemple, tu disais tout à l'heure, l'histoire des retraites. Bon, la gauche va faire pire que la droite au niveau des retraites, et il n'y aura pas d'opposition pourquoi parce qu'on va voter à gauche. Non. Et puis parce que, si tu veux, là aussi ce que tu disais, c'est que les gens ils en prennent plein la gueule. C'est-à-dire que bon, et moi je crois qu'on n'est pas sorti d'affaire parce que bon. On va se retrouver là dans quelques années un mec comme Sarkozy qui va arriver à des sauveurs de la situation et qui sera contre la peine, donc il y aura, on va retrouver le schéma de 2002 et on va à la gauche, il y aura voté Sarkozy pour voter Le Pen, quoi, c'est tout. Donc on est une espèce de donc il faut sortir, quoi, parce que ce mécanisme-là, il profite du jour même. Hein, et il se reproduit par lui-même, donc il y a un moment où il faut qu'il y ait une cassure. Il y a un moment où il faut qu'il y ait une phase de départ pour sortir de ce mécanisme. Parce que tout fonctionne autour de ça. Alors la motorisation déjà, ben, ça fait de plus en plus, mais comme c'est progressif, tu acceptes, tu te résignes, ça pourrait être pire, puis il y a encore des gens qui ont des moyens. Il y a encore du pognon. Il y en a encore un. Puis on voit quand même dans les milieux comme ici, quand tu vois 2 ou 3, 4 Allemands qui passent d'une poêle jaune, on dit on est Porsche. Ces mecs-là, ils sortent le pognon. Quoi. Qu'est-ce que c'est? Moi, je crois qu'il va falloir se réaliser, plus que de regarder les pauvres, il va regarder les riches. Quoi. Mais c'est sûr. Il va regarder vraiment, parce que c'est là qu'il va falloir s'attaquer. Moi, je crois qu'il y a un combat qui va finir, c'est eux ou nous. On va arriver à un moment où ils vont nous tuer. Alors, nous, on accepte de se laisser tuer. Alors, c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Le plus terrible, Enfin, ouais, le plus terrible actuellement, c'est que les gens, en fait, ils culpabilisent, hein, les mecs qui sont dans la merde, si tu veux, les gars qui n'ont pas le boulot, etc., ils en arrivent à culpabiliser. Donc, c'est-à-dire que le système, il en arrive à persuader les gens qu'on s'en fout. Ce serait bizarre, effectivement, il faut sortir de la culpabilité, et pour sortir de la culpabilité, il faut faire voir aux gens, par ceux qui sont plus pauvres, ce qu'on leur dit, le discours, c'est de dire, dans le fond, tu as encore un travail. Tu assises là. Non, il n'y a pas de travail avec celui-là. Tu vois, il ne bosse pas, ou c'est parce qu'il est le fils d'eux, et comment il vit. Et je veux dire, il faut redonner une espèce de niaque aux gens, et leur donner envie de mordre. Et mordre l'ennemi. Et pas toujours, sans plaisir, regarder le plus plein dans le bon petit. Mais cette culpabilité, elle est entretenue aussi par au travail. Je vois la future concrète. Le fils de ma voisine, il travaille chez moi, et à la fin de la semaine, elle affiche les ventes de chaque année. Et alors, la brimade, celui qui a le plus vendu est glorifié, celui qui a le moins vendu. À partir du moment où il y avait. Il y avait des positions. Pas finir. On n'aurait pas accepté ces choses-là. La concurrence. La concurrence dans les boîtes, on ne l'acceptait pas. Parce que on n'était pas dans une culture d'écraser l'autre pour arriver à s'en sortir. On était dans la solidarité, ça c'est sûr. Parce que les histoires qu'on raconte sur les gens qui se soutenaient, c'est que le jeune qui arrivait dans une boutique, le jour où il demandait son augmentation de salaire, les autres ils débrayaient tous. Hein. Ils n'avaient pas l'impression que parce que lui, il aurait une augmentation, ils en auraient moins. Hein. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Si moi, j'en ai un peu plus et que l'autre en a un peu moins, ben, tant mieux. Donc, ça ne peut pas marcher. Il y a zéro solidarité dans nos entreprises. Hein. Alors, ça dépend peut-être des endroits, ça dépend peut-être des formes de travail, ça dépend peut-être... Parce qu'il y a des formes de travail qui évoluent aussi. Hein. Enfin, le télétravail et tout le reste, c'est aussi des formes de travail qui évoluent beaucoup et des gens qui sont isolés dans le travail. Ça a été un travail aussi qui a été fait depuis des années, en fait, que les gens se désolidarisent et tout ça. Déjà quand on voit, moi depuis le temps que je travaille, j'ai pas vu une assemblée générale quoi, dans mon travail. Quoi. Et les gens, on veut qu'ils luttent, mais on veut plus qu'ils discutent ensemble, qu'ils disent pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent et tout ça. C'est les syndicats, ils veulent juste qu'on aille voter un syndicat qui va parler en notre nom, va nous représenter ou quoi. Et du coup, ça évite toutes les discussions que les gens ils peuvent avoir les uns envers les autres. Essayer d'eux-mêmes de trouver des solutions aux problèmes qu'ils peuvent avoir face à leur patron. Et en plus, moi je pense aussi qu'on était arrivé, et je pense que les gens, s'ils demandaient au patron, ils savaient qu'ils obtiendraient. Là aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils n'obtiendraient rien du tout. C'est vraiment, on arrive à un truc où c'est vraiment, on va falloir changer ce système-là parce que ça ne marche plus. Faut arrêter avec la guerre, faut arrêter avec le truc. C'est vraiment, il va falloir construire autre chose. C'est ce qui se passe peut-être en Grèce où on voit les gens qui commencent à occuper des usines et qui commencent à les autogérer et qui commencent à reprendre eux-mêmes, dire voilà, notre travail c'est nous et on va essayer de s'organiser par nous-mêmes. Et voilà. Et je pense aussi qu'il y a ça. Mais il y a eu tout un travail qui est fait pour diviser les gens et voilà, on en est là quoi. En Grèce, il y a des trucs comme ça. Là. Oui, il y a Biomé qui s'est fait régulièrement, qui reprennent à peu près le même slogan qu'avait pris en Argentine, résister, occuper, produire. Alors finalement, si la crise va jusqu'au bout, il y a peut-être un peu d'espoir. mais bon, comme il dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens, il va falloir qu'ils crèvent pour que les gens y réagissent. Enfin, c'est moi, ce qui est étonnant, moi, c'est par rapport aux gens qui sont celui qui s'est immolé devant le Pôle emploi. Normalement, déjà, tous ceux qui travaillent au moins à Pôle emploi, ben au moins ils auraient dû s'arrêter de bosser, quoi. Ils auraient dû. Humainement, on est arrivé où? Mais normalement, tu t'arrêtes spontanément d'arrêter de bosser, quoi. Les employés de Pôle emploi ont été traumatisés. Ben oui, oui. Ils ont exercé leur droit de retrait. Ils ont arrêté de travailler. Quelque part, ils en avaient rien à foutre. Le mec a cramé. Avec ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes et le regroupement de gens qui se disent d'extrême gauche et compagnie là-bas, moi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu une espèce d'extension, justement, après ce qui s'est passé justement à Nantes. Hein, parce qu'ils sont à proximité. Ils ont réussi à rassembler 40 000 personnes pour défiler contre un aéroport. et on n'est pas foutu de faire le lien avec ce qui se passe avec une inondation. Pourtant, on lutte tous contre la même société. Voilà, justement, et ça, c'est ça qui est inquiétant, parce que cette lutte-là, elle va mourir d'elle-même, quoi, justement, parce qu'elle est isolée. Et là, ils avaient une excellente occasion, justement, d'étendre cette lutte avec les chômeurs, avec un autre problème social. Quoi. Parce que c'est, ouais, c'est ça qui manque. Parce que la solidarité, elle n'est pas simplement dans le fait de lutter ensemble, mais de relier toutes les luttes, d'être solidaire au-delà de la lutte que nous-mêmes on mène. Des boîtes qui sont en lutte, les problèmes problématiques de lutte ne fusionnent pas forcément. Parce qu'on n'est plus dans l'internationalisme et on n'est même plus dans l'internationalisme local des boîtes. Mais là, je rappelle le coup de la CGT, quand il y avait les raffineries il y a quelques années, 2-3 ans, ils devaient fermer toutes les raffineries, comme une demi-douzaine de raffineries, tout le monde s'est mis en grève. Le patronat a fait marche arrière. Et une semaine après, ils ont dit, bon, on va en fermer qu'une. Tous ceux qui ont fait grève avant, parce qu'ils devaient fermer d'ici la fin, se sont mis en grève. Et le syndicat de la CGT a dit, non, on ne fait pas grève par solidarité. Ça ne se fait pas. C'est plus dans les mêmes. Ça, je m'en rappelle très bien, ça m'a resté là. Et puis, dans le pouvoir très fort aussi, c'est que y a un ministère pour tout, quoi. On a le ministère de la cohésion sociale, le ministère de la solidarité. Et pour un peu de travers, on a un ministère, on a des systèmes de créa qui réquisitionnent des logements vides, qui les retapent avec rien, avec la solidarité des gens, et on les fout dehors avec une opération militaire aussi importante presque que ce qui se passe au Mali, avec 2 hélicoptères, 400 CRS, et ça coûte du pognon. Tout ça parce qu'il y a juste soi-disant des organismes à qui il faut s'adresser. Et c'est comme ça. Aussi, c'est par cette garcerie-là aussi qu'on sclérose toutes les luttes. Parce qu'on dit, mais non, vous avez un problème, il y a un syndicat, il y a un parti, il y a une association, il y a un organisme pour ça. Si vous ne savez pas, allez-vous perdre à tel endroit. Il y a un numéro de téléphone, c'est toujours occupé, c'est toujours en panne, mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un recours. Voilà. Ça aussi, c'est un mécanisme, je crois, qui joue dans Le sauveur, on sait très bien, il n'existe pas, voilà. Donc le sauveur, c'est les gens, c'est nous qu'on va être capable. C'est nous, on va se sauver par nous-mêmes. Ça, c'est maintenant, c'est comment on va y arriver. Alors c'est le fait, je pense, c'est le fait de recréer déjà des espaces où les gens ils vont pouvoir se réunir, vont pouvoir discuter, s'organiser par eux-mêmes. Déjà, il va falloir que ce soit les gens eux-mêmes qui arrivent à le créer. Nous, on crée ce qu'on peut, mais si les gens dans les usines, ils commencent pas à refaire de vraies assemblées générales où ils vont commencer à s'organiser, à discuter, à dire voilà le problème, voilà qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans tout ça. Là. Si on pratique pas ça, on n'y arrivera pas. Et je crois que c'est ça aujourd'hui, que ça soit dans les usines, que ça soit à Pôle Emploi, que ce soit peu importe l'âge qu'on a, ou même à la fac. Moi, j'ai vu à la fac du Mirail, j'ai assisté à des âgés. C'était le truc déjà. Alors, il y avait les gens dans l'estrade au fond et les syndicalistes, les professionnels de la lutte devant qui vont expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Et les autres, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Donc résultat, c'est vide, on va les balader dans la rue avec les drapeaux, on leur dit que s'il faut faire, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça s'arrête. Et après, point, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Résultat, on n'a pas avancé. Mais les gens, ils ont quelque part, ils se sont laissés faire aussi. Quelque part, ça leur convenait, ça, moi, je pense. C'est aujourd'hui, d'avoir un mythe, d'avoir un maître, c'est vachement confortable. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y croit plus. Il n'y croit plus au syndicat, dans le travail. Les gens, ils n'y croient plus. Ils ne vont plus voter. Je ne crois pas qu'ils croient vraiment au syndicat pour se protéger eux-mêmes. Ou même, est-ce qu'ils ont vraiment envie de lutter? Ils vont faire une carrière. C'est des tremplins de carrière, les syndicats. Les mecs, ils sortent, ils rentrent dans le ministère et tout ce que tu veux. Bon, les il y a peut-être encore quelques individus honnêtes qui se syndiquent parce qu'ils sont arrachés, une tradition, une moyenne, un truc comme ça. Mais en fait, de toute façon, ils savent très bien que son syndicat est impuissant. C'est la preuve, elle est là, quoi. C'est-à-dire que justement. C'est un truc extraordinaire, comme quand tu vois comment c'est depuis quelques années, là, entre la manière dont ont été gérées toutes les grandes luttes qu'il y a pu y avoir. Merci. la manière dont on voit la façon dont c'est géré, c'est quand même, tout est fait également pour casser la lutte dès le départ et pour faire en sorte que surtout ça n'explose pas. Et qu'à regarder la dernière lutte sur les retraites, qui organise bon, une manif une fois toutes les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Elle n'était pas très bonne cette lutte. Ah, mais non, elle, était pas, elle a été gérée pour qu'elle n'aille pas loin. Les grèves d'une journée, c'est insupportable. Moi à l'époque, je me souviens, c'était insupportable. Enfin, mais oui, non, mais c'est. On allait dans la rue, on défilait avec des étudiants. Bon, puis après, le lendemain, on allait au boulot, ça faisait chier personne. Mais enfin, tout moi, est. Mais non, mais c'est... On est complètement d'accord. Mais je veux dire, c'est une volonté. C'est-à-dire qu'on le gère comme ça pour que ça n'explose pas. Parce que les syndicats, objectivement, ils ont aujourd'hui une fonction qui est de faire en sorte que rien ne change et que le système y reste tel qu'il est. Il y a une lecture aussi un peu complexe maintenant de notre société. Hein. Moi, je vois, j'ai une fille, elle part faire un stage à l'étranger. Et je découvre en lisant les papiers que la société qui va l'employer, elle est sri-lankaise. Je suis surprise, je suis vachement surprise. Je me dis qu'on est dans un monde qui change beaucoup. Il va vite. Et c'est ça aussi qui nous perturbe. C'est qu'on ne sait plus où on habite. Plus qu'il est le patron. Le pire, c'est ce que vous disiez. On n'est pas mieux, économiste, et que des fois, comme les fonds de pension aux États-Unis, ça devient les ouvriers eux-mêmes qui sont leurs propres patrons. Enfin, qui s'auto-détruisent. Qui c'est ça qui est. Et ça, c'est la folie, quoi, parce qu'avec les fonds de pension, là, c'est fini, quoi. Puisque pour avoir des retraites, les ouvriers sont obligés, j'ai envie de dire, de maltraiter des jeunes ouvriers, et ça devient un truc de génération. Maltraite, une espèce de délire comme ça. Voilà, c'est ça. Mais ça, le système est très fort. Il a trouvé cette solution extraordinaire. Là, il a fait fort avec les fonds de pension. Le système a une capacité à rebondir absolument extraordinaire. Ils ont commencé par bloquer les gens, en fait, avec l'histoire des crédits. On fait prendre aux gens des crédits, comme ça, on sait que les mecs, ils vont pas pouvoir faire trop grève, etc. Maintenant, effectivement, on leur dit, attendez, vous allez être votre propre patron, vous aussi, vous allez pouvoir bénéficier de vos trucs, etc. Voilà, je veux dire. Et donc, c'est fabuleux, quoi. Mais en attendant, à côté de ça, les vrais patrons, les capitalistes, ils n'ont jamais fait autant de profits, ils n'ont jamais gagné autant de fric, et ils n'ont jamais eu autant de pouvoir. C'est ça, la vérité. Parce que, en fait, si on regarde bien, il y a 20 ans de ça, le partage de la richesse qui était produite, c'était 55% qui allait au salaire et 45% qui allait au capital. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On est pratiquement à 60% qui vont au capital et 40% qui vont au salaire. Et en plus, je veux dire, dans les salaires, tu as des mecs qui ont des salaires qui n'ont strictement plus rien à voir avec les salaires moyens. Aujourd'hui, tu as un écart pratiquement de 1 à 100 au niveau des salaires, alors qu'avant, ce n'était même pas de 1 à 20 ou à 30. Donc, je veux dire, c'est ça. C'est que le système, il a une capacité à tirer les leçons des échecs qui est extraordinaire. Et par contre, les travailleurs, on est toujours resté sur des modèles qui datent un petit peu le 19e siècle. C'est-à-dire, ben, on va mettre des permanents. En fait. Alors, on dirait que les travailleurs, ils veulent copier réellement le système capitaliste. On va faire des entreprises pour nous défendre. On va faire de la délégation. Et on va nommer des spécialistes pour nous défendre. Et que l'on va, à qui on va faire confiance, etc. Je peux dire, mais non, mais c'est ce modèle qui a fait échec, qui est un échec. Donc, je veux dire, c'est... Moi, je crois fondamentalement à la démocratie directe. Je crois ce sont ces valeurs qu'il faut remettre en exergue, quoi, qu'il faut remettre un truc. Et se passer sorti de là, on sortira de rien. Donc, comment s'y prendre dans un monde pareil, démolir un peu tout ça. Moi, ça me questionne, c'est un peu là, parce que je suis pas sûr, en fait, que, parce que tu parles de la représentation et de la démocratie directe, ou tout à l'heure tu parlais des gens qui font. Mais quand on a vu les luttes, là, enfin moi je pensais des luttes, comment ils s'appelaient, là, ceux qui n'avaient pas de nom, là, les indignés, tu veux dire? Oui, les indignés, etc. Où c'était des gens eux-mêmes qui faisaient un truc un peu du type associatif, etc. Mais en même temps, s'il n'y a pas une espèce de représentation, au moins politique, pas forcément une personne, mais au moins. On a l'impression que ça s'étiole, enfin ça n'a pas trop de. Oui, les indignés, enfin, par rapport en Espagne ou quoi, justement ils ont dit, les indignés, ils ont voulu mettre des millions de gens qui étaient dans la rue, leur mettre une étiquette sur le dos, les appeler les indignés, il n'y a personne qui les représente et tout. Mmh. Moi je pense que les Espagnols, ceux qui les représentent, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il y a un problème dans le quartier, apparemment. Quand il y a un problème dans un quartier, ils ne demandent pas à quelqu'un qui le représente. Pourquoi ? Non, c'est eux qui y vont dans le quartier. Et s'il y a des expulsions, c'est eux, ils sortent à 400 ou 500 personnes devant un logement pour dire non, mais vous ne le sortez pas. Voilà. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les représenter. Représenter à qui ? Non, c'est pas en termes de représentation, mais en termes de sentir qu'on appartient à un mouvement politique. Et j'ai l'impression que ces mouvements. Parce qu'ils sont aussi médiatiques, quoi. Enfin, la télé, ça les dérange pas finalement de montrer des gentils indignés, des gentils étudiants. Alors que dès que ça se politise vraiment, enfin, si on dit, bon là, c'est des communistes, là, même des anarchistes ou des trucs comme ça, on sent que là, la télévision, elle est moins, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc dont. Enfin, je sais pas, moi, ça me questionne. Vous avez voulu justement. Il y a plusieurs. Bon, le pouvoir a plusieurs outils, plusieurs manettes pour déstabiliser les mouvements. On va dire populaire et anarchiste. Alors, par rapport au mouvement des indignés, qui était un mouvement qui était très intéressant, parce que c'est un mouvement qui est parti de lui-même, c'est-à-dire c'est des gens dans la rue qui ont commencé à discuter, et justement qui sont auto-organisés, sans parti politique, sans syndicat, il n'y avait pas aucune banderole syndicale, rien. Donc par rapport à ça, le pouvoir va mettre des choses en place, bon, mais Essel notamment qui va aller au Panthéon. Ils nous ont bassinés avec son bouquin de merde de 20 pages en disant « Indignez-vous, c'est grâce à lui qu'il y a eu des indignés ». Mais c'est totalement faux, quand j'entends encore ça à la radio. Mais les journalistes, mais j'en mets des claques. C'est du négationnisme, enfin c'est pire que tout. Ils reprennent l'histoire comme ça les arrange. C'est-à-dire qu'il y avait le mouvement des indignés qui est né en Espagne et qui s'est un peu propagé en France. Essel a sorti son bouquin après et ils vont nous coller Essel pour dire c'est grâce à lui qu'il y a eu des indignés. Et même, qu'est-ce que j'ai entendu à la radio, c'est même grâce à lui qu'il y a eu Occupy Wall Street. Enfin, à un moment, faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que eux, l'intérêt du pouvoir de remettre un leader. C'est-à-dire parce que quand il n'y a pas de tête d'un leader, le pouvoir ne peut pas contrôler le mouvement. Il ne peut pas l'acheter. Il ne peut pas l'acheter. À partir du moment où il y a une tête qui émerge, ben c'est facile, ou un représentant. Mais il peut acheter le représentant et lui dire « toi, tu vas dire ça, ça, ça », et ça décrédibilise l'ensemble du mouvement. Donc là, c'est une des armes du pouvoir. Après, l'autre arme, effectivement, c'est quand le fond va être un peu revendicatif. C'est vrai, le mot anarchiste, on l'entend, pas pour le mouvement des indignés, qui est pour moi, même si les gens se revendiquent pas en tant que tel, c'est un mouvement anarchiste, c'est-à-dire c'est de la démocratie directe. Le mouvement anarchiste tel qu'il est véhiculé par le pouvoir, c'est quand y a des cagoules et que ça se bat avec les flics. Il n'y a qu'à voir. C'est à Notre-Dame-des-Landes, à la radio, enfin bon, tout le monde sait bien. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses bien qui s'y passent, c'est-à-dire que les gens essayent de s'auto-organiser par eux-mêmes. Donc quand ils s'auto-organisent, c'est très bien, c'est des gentils, entre guillemets, citoyens, même si c'est un mot que j'aime pas du tout. Par contre, quand ces personnes-là se fritent avec la police, c'est plus des gentils citoyens, c'est des anarchistes, alors que c'est les mêmes. Mais pour le pouvoir, il le change comme ça. Et il va éclater. Et voilà, il va se servir de ce mot pour nous décrédibiliser. De toute façon, c'est pas compliqué quand on parle avec une personne lambda dans la rue, qu'on lui dit on est anarchiste, et là, déjà, bon, ils reculent d'un mètre, ils font pardon. Mais il y a tout un travail comme ça, c'est tout le rôle du pouvoir. Moins. Mais maintenant, parce que nous, on travaille dans l'autre sens, et puis les gens, bon, quand même, commencent à s'en apercevoir. Mais c'est vrai que depuis le 19e, le pouvoir, il essaye de. Le mouvement anarchiste, eh bien, c'est, il essaye de le rendre synonyme de bombe, enfin, depuis la bombe à Bono, et de bordel, enfin de désorganisation. Oui, moi je voulais dire, je pense que c'était pour revenir sur le fait des partis politiques, peut-être des syndicats et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un schéma qu'on connaît déjà depuis longtemps. Je pense qu'il faut essayer justement de réinventer quelque chose d'autre et de ne pas justement essayer de se battre avec des sortes de hiérarchies, de la représentation, parce qu'on voit de toute façon que le résultat aujourd'hui ne marche pas. Si je peux donner un exemple, moi j'ai vécu en Espagne, j'étais au mouvement des indignés, et au début, il y a eu des groupes de parole qui se sont formés, les gens se sont organisés vraiment de manière totalement libre, sans représentant, sans chef, et il s'est passé des choses extraordinaires. Et une solidarité qui a réussi à se créer entre différents groupes. Et à partir du moment où dans ces groupes sont arrivés les partis politiques, les syndicats qui ont essayé en fait d'apprendre aux gens comment s'organiser, ils arrivaient, et puis l'ordre du jour qui était en fait au début établi par les gens, là c'était les spécialistes qui sont arrivés, qui ont dit à leur attention, il va falloir créer des commissions, alors on va s'organiser en tel groupe, eh bien, on a vu au bout d'un moment que tout ça, ça échappait complètement à l'individu, à notre quotidien, en fait. Parce que là, on commençait, en fait, on faisait de la politique chiante, au final, parce qu'on ne s'occupait pas, des problèmes des gens au quotidien. Et je pense que ces récupérateurs de la lutte, c'est eux qui tuent la lutte. Et ces gens-là, moi, je pense que tous les syndicats, quels qu'ils soient, à partir du moment où on a un but et que les moyens pour arriver à ce but, ils ne sont pas cohérents, je pense qu'on ne peut pas réussir. Si on veut une société libre, sans hiérarchie, je pense que déjà, il faut commencer à s'organiser de manière horizontale, sans hiérarchie. Évidemment, on ne peut pas s'imaginer un but si déjà on ne construit pas ce but avec une logique qui va dans ce sens-là, au final. Le futur, ça m'aide. Non, mais moi je suis d'accord avec toi au niveau des organisations, mais c'est plus. Parce que moi je constate quand même, il y a une dépolitisation. Moi je vois mon gamin, il a 18 ans, enfin ses potes, tout ça, ils sont tamponnés complètement. Enfin, et c'est. Enfin voilà. Dans la Bretagne, il y en a où vous êtes tamponnés. Oui, non, mais tout à fait. Mais, non, mais c'était un exemple comme ça, mais qui est aussi stupide. Oui, dans mon époque c'était pareil, je suis pas très vieux, mais bon, enfin voilà. Excuse-moi, il se pose pas des questions quand même sur son avenir. Si, mais parce que bon, voilà, mais enfin, lui plutôt un peu, parce que je lui en parle, mais sinon, bon, c'est vrai que ses potes, il y a une espèce de truc. Et je pense que, voilà, enfin, c'est bien aussi que. Pas forcément que les mouvements populaires rentrent dans des organisations qui sont préexistantes et que, avec surtout avec le modèle pyramidal, etc., avec un chef et on y va tous. Mais avec la question du politique globalement, enfin voilà, du politique dont on va tous s'emparer. C'est pas simplement. Parce que voilà, il y a eu plein de mouvements populaires ces derniers temps, et moi j'ai trouvé que. Finalement, je sais pas s'ils étaient si politisés que ça. J'avais l'impression que c'était, bon, voilà, Enfin, moi, je ne connais pas. Il n'y a pas de projet derrière. Alors voilà, en termes de projet global politique, quoi, comme on a pu voir, bon, du moins intéressant, même, enfin, le peu que j'ai vu ça en Amérique latine, voilà, bon, effectivement, là, il y avait des représentants, un État, etc., mais il y avait quelque chose, voilà, une volonté de changer l'État, de changer la loi, de changer le rapport à la propriété privée. Je ne suis pas sûr que, dans le mouvement des indignés, des gens disaient « Bon, moi, j'ai un problème d'eau, machin, ou ouais, le chômage, c'est triste, etc. » Mais est-ce que tu veux changer ce rapport à la propriété privée, mais dans les textes de loi ? Enfin, est-ce que c'est quoi ? C'est dans ce terme-là, la question de... Parce que, est-ce qu'on peut vivre dans un monde où il n'y a pas ce texte, enfin, il n'y a pas quelque chose autour du texte sur lequel on s'entend ? Et c'est ça où, là, moi, il me semble que le politique, il est important à mettre sur la table. Pas simplement... Alors, je vais être assez d'accord avec toi sur certains points, pas surtout. Mais, alors, notamment, ce qui pouvait manquer sur le mouvement des indignés, c'était cette perspective sociale, ce projet social. C'est-à-dire, sur la façon de se faire, c'était quelque chose d'assez dynamique et de simultané. C'est-à-dire où les gens se disent, bon, on est dans la merde, on se retrouve et ils font de la politique. Politique, c'est la vie de la cité, du coup ils font de la politique, la vraie politique, oui. pas la politique qui vient d'en haut, la politique, ils s'occupent de la cité en sorte. Ce qui pouvait manquer, c'était c'est possible de créer une société sans État, autogérée, avec des entreprises sans patron. Mais ça venait dans les discussions. Une fois qu'on a écarté les professionnels de la politique qui étaient venus au début hein, pour dire mais là ce que vous faites c'est bien, mais allez voter en 2012, vous allez voir, ça va changer. Parce que ceux-là, les politiques, effectivement, sont en gardant le système, la propriété privée, c'est le truc. Voilà. Après, je pense que c'est autour de cette question. Enfin, moi, je pense que c'est la question essentielle. Après, là où je vais pas me battre avec toi, c'est pour. Mais là où je vais pas être d'accord avec toi, c'est pour changer la loi, que ce soit écrit dans. Bon, moi, la loi, je la brûle. Quoi. Je vais. Si tu veux, ce mouvement des indignés, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui parlaient entre eux, en cercle, et qui n'étaient pas. Qui ne s'adressaient pas à l'État et aux hommes politiques. C'était des gens qui disaient « Maintenant, nous, on vit maintenant cette société nouvelle. On n'a rien à vous demander parce que c'est être encore dans la demande d'attendre quelque chose. » C'est ça qui peut être dramatique, c'est attendre que le bon seigneur ou le bon politique daigne nous envoyer quelques miettes ou changer trois mots dans la loi. Il n'y a rien à attendre d'eux. Je veux dire, même, je pense que c'est tout ce système, il faut en reconstruire un autre. Sur cette perspective sociale, mais alors si nous en tant que militants on peut avoir un rôle à apporter, c'est ça, c'est dire ce qu'on fait c'est bien, mais est-ce qu'on peut c'est globaliser la chose. Dire qu'on est sur les indignés, sur la place publique, bon, c'était à Toulouse, bon, c'est discuté, je crois qu'à Montauban, il y en a eu un peu aussi. Bon, mais c'est, nous on discute, mais après c'est dire, mais regardez, ça se passe ici, ça se passe là-bas, est-ce qu'on peut essayer de tous construire quelque chose ensemble, de se projeter dans l'avenir, un projet de société. Nous, c'est ça qu'on peut essayer de faire en discutant avec les gens. Après, oui, pourquoi les gens se désintéressent de la politique, mais... je sais pas, t'allumes ta télé, ou même un jeune qui a une, ne serait-ce qu'une simple conscience politique et qui voit une manif, et qui se dit bon, c'est vrai, il y en a marre de ce système, il va faire une manif dans la rue, il a trois camions sono, les mecs qui disent ben voilà, il va une fois, deux fois s'il est vraiment motivé, puis après il se casse, il dit non, mais c'est bon, on arrête. Je veux dire, ils sont responsables de ça aussi, c'est la kermesse, c'est le défilé, mais toutes les centrales syndicales sont là pour casser la conscience politique. Et les hommes politiques, quand on les voit à la télé, c'est des trucs du grand guignol, quoi. Même le mec à 18 ans, son fils, il avait voté pour la première fois, il en a marre de Sarkozy, il vote pour Hollande. Et ce qui se passe après, voilà. Et c'est là, et effectivement, il y a des choses à porter en disant, mais on peut faire de la politique, mais autrement qu'en passant par ces salopards, il faut trouver d'autres façons d'agir ensemble, quoi. Moi, je crois que le système, il a une capacité extraordinaire à pervertir justement le sens du politique. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que les gens, quand on discute avec eux, quand tu discutes, ils te disent, ben oui, de toute façon, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais en fait, de toute façon, ça a toujours été comme ça, on n'y arrivera jamais. Enfin, ils sont tous persuadés, et c'est le système qui l'a construit, ça. Et également, là, moi, je pense que les organisations qui se disent de gauche ont une responsabilité parce qu'elles n'ont pas fait leur boulot. Et donc, le système, il a fait en sorte que les gens maintenant sont persuadés qu'il n'y a rien d'autre de possible que vraiment le capitalisme, le libéralisme, mais c'est indépassable, on ne peut rien faire d'autre. Et tous les jeux, moi aussi j'ai des neveux, si tu veux, qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, et bien je veux dire, ils en sont persuadés, ben oui, de toute façon, non, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et quand on essaye de leur expliquer que justement il y a eu des expériences où c'était différent, enfin, etc., et tu dis d'abord, ils te regardent avec des yeux grands comme ça. Je veux dire, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'éducation qui n'existe plus. Moi, je m'excuse, moi, j'en ai participé, ça je me rappellerai toute ma vie. On était allé une fois à Millau, aller voir donc une entreprise qui fabriquait des mobilhommes, avec des gens qui étaient partis, qui n'étaient pas en grève, mais où ils avaient des conditions de travail absolument dégueulasses, ils étaient exploités d'une manière incroyable. Et il y avait au moins une dizaine de personnes qui étaient venues. Et à un moment donné, donc on avait dit, votre patron vous exploite. Ah bon ? Il m'exploite, mon patron ? Comment ça ? Voilà. Les gars, ils ne comprenaient pas. Si tu veux. Mais il faut bien comprendre quel est le niveau d'ignorance de la population. Les gens, ils sont persuadés, ils connaissent à fond, quoi, si tu veux, tous les noms de tous les joueurs du championnat de France de foot, mais ils ne sont pas foutus de te dire ce que c'est que l'exploitation. C'est ça aussi, si tu veux, le travail du système, les médias, etc., qui a été d'enseigner une ignorance absolument incroyable, quoi. C'est absolument fabuleux, quoi. Pour moi, un syndicat, c'est d'abord, enfin, les bourses du travail, au 19e siècle, même jusqu'au début du 20e, ça commençait, on ouvrait une bibliothèque, on faisait des cours d'éducation, on apprenait aux gens à lire, à écrire, etc. C'était d'abord une école. Et le syndicalisme, c'est d'abord une école. Et ça a été complètement oublié. Le syndicalisme, on dit aux gens, attends, moi, t'as un problème. C'est ce que j'essayais de dire. On est tout à fait d'accord. Ça commence par ça, quoi. C'est un travail d'éducation, un travail de discussion, un travail. Mmh. Et moi, je crois qu'un mouvement comme les indignés, ça a été des gens qui ont commencé par reprendre à zéro. Mais ça ne peut pas se faire en 8 jours, quoi. C'est un processus. Je trouvais juste qu'il manquait dans ce mouvement-là. Qu'on le veuille ou pas, il a laissé des traces. Cette dimension. Vas-y, ouais, tu t'es. Non, je voulais juste. Quand tu parlais d'éducation. Politique, je veux dire, au sens là, avec la culture, l'histoire, enfin, c'est peut-être, je trouvais qu'il manquait un peu à ces mouvements, je trouvais que je ne voulais pas trop ça aller, parce que je trouvais qu'il manquait un peu cette dimension. Après, il y a par exemple un exemple tout simple, il y a un quartier en Madrid qui s'appelle Lavapiés, et ce quartier-là est vraiment comme le centre-ville de Montauban. Dans ce quartier-là, donc, comme il l'a dit, à chaque fois qu'il y a un desahucio, car il y a des gens qui vont se faire virer parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer, ben, dans le centre de Montauban, c'est comme s'il y avait 400 personnes qui se mettaient en bas de l'immeuble pour oui. Empêcher les flics de venir. Bon, déjà, ça c'est politique, il y a de la solidarité. Et on est d'accord. Deuxièmement, il y a, comme pour la ville de Montauban, à peu près 10 à 15 bars qui se sont créés en autogestion. C'est-à-dire où un groupe d'employés donc, travaillent ensemble, sans patron, se partagent les salaires, se font leurs propres règles entre eux et travaillent de manière horizontale. Ça, c'est de la politique. Ah, mais après, il faut aussi entendre, on dit il n'y a pas de projet, et ben, au final, dans les faits, il y en a. Parce que dans les faits, ben, peut-être que les gens ne le vocalisent pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que l'important, ce n'est pas de parler politique à grande échelle, c'est de le ramener à notre niveau. Se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Donc tu parles, c'est en Espagne, c'est ça, je pense. Oui. Je pense qu'il y a, ben, il y a une culture, enfin, il y a une histoire. Il n'y a pas qu'une culture, je pense aussi que c'est parce que, je ne sais pas, peut-être que... C'est parce qu'ils ont plus à gagner qu'à faire. Ouais. Nous, on n'est pas dans une phase de changement parce qu'on pense encore qu'on a plus à perdre qu'à gagner. Donc, c'est vrai, oui. Après la matinée. Les choses, elles ne basculent que à partir du moment où on pense qu'on a plus à gagner qu'à perdre. Tant qu'on pense qu'on a plus à perdre qu'à gagner, on ne bouge pas. Et ça, c'est un principe de changement de base. À quel moment donc, qu'est-ce qui fait moment, que... ça bascule. Personne peut le faire. Ben, ça dépend des individus, quoi. Là, pour le moment, les gens, globalement, ils sont bien. Voilà, ils dépriment quand même. Ils sont bien déprimés avec des cachets. Ils sont bien avec des cachets. Oui, mais c'est là où on a un système de santé qui est très pervers aussi. Parce qu'on file des cachetons aux gens. Comme si c'était une solution. En fait, quand on file des cachetons aux gens, on ne leur donne pas de la lucidité, on ne leur donne pas des outils pour se défendre, on ne leur donne pas des outils pour lutter. On leur file des cachetons et ça calme un peu, quoi. On ne peut pas, si tu veux, faire de la solidarité à Saint-Denis. C'est qu'on ne peut pas que donner à bouffer à des gens si on ne leur apprend pas aussi à se démerder. Et pour se démerder, bon, ils sont solidaires. Bon, maintenant, après l'histoire de l'Espagne, moi je pense que c'est vrai que bon, en Espagne, effectivement, ils sont certainement plus mal que nous. Mais moi je crois quand même que l'histoire de l'Espagne et l'histoire du mouvement révolutionnaire en Espagne, l'histoire de la CND, l'histoire de l'arco-syndicalisme en Espagne n'est pas pour rien. Parce que il a été mis en veilleuse pendant un certain temps, une espèce de les quelques glorieuses qu'a connu l'Espagne. Avec Franco. Franco, mais après, bon, je veux dire, il y a des choses qui se sont remises en place parce que l'Espagne, elle a eu une évolution formidable. Et c'est vrai qu'il n'y avait rien en Espagne, l'infrastructure n'y avait rien, dans 25 ans, tout épuisé. Mais je pense quand même que bon, l'histoire de l'Espagne, elle est en rien si c'est effectivement des choses qui se produisent en Espagne ou historiquement, se produisent aussi en Grèce. Bon, c'est quand même des lieux qui sont marqués. À travers de l'origine. Donc, oui, ou des fois même en Amérique du Sud, mais c'est bien sûr en Amérique du Sud. Hein. Oui, mais tu as un jeune sur deux en Espagne qui est au chômage. Enfin. Et quand un jeune est au chômage, ça ne lui fait pas le même effet que quelqu'un qui a 50 ans ou 55 ans. Parce qu'il se dit, attends, si je ne relève pas les manches, je vais être comme ça toute la vie. Quoi. Tu es vieux. Non, mais aussi, je n'ai pas dit ça. Je dis que ça change quelque chose. Plus en société quand même. Oui, moi, j'ai plus dans aussi, collectif. Ils sont plus, bon, se tutoient plus facilement. On parle avec des gens dans la rue ici. Vous parlez avec quelqu'un dans la rue, on n'est pas. Ils vous regardent parce que vous aviez adressé. Quoi. En Espagne, vous parlez avec des gens, vous les tutoyez. C'est normal. Il n'y a pas de quartier. Je crois qu'en Espagne, en fait, ils ont résumé le mouvement en processus révolutionnaire. Plutôt que de parler de processus révolutionnaire, ils ont préféré dire c'est le mouvement des indignés. Ah ben tiens, on n'entend plus parler des indignés, donc il ne se passe plus rien en Espagne. Hein. Sauf que c'est totalement faux, il continue à se passer des choses, les gens continuent à discuter, et ça va continuer. On voit par moments ils sortent massivement, hop, après je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font d'autre, mais on peut s'en douter que quand ils sont, c'est pas comme nous, un mouvement de retraite, malheureusement on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'on a fait nos balades syndicales. Nous, on a essayé de faire des assemblées populaires à Toulouse qui ont plutôt bien marché. Après, il y a eu des petits trucs qui sont restés, mais pas assez. Et on a bien vu, là aussi, que quand nous, on voulait faire des assemblées populaires sur la place dans Toulouse, on a bien vu les syndicats, ils nous ont mis une corde devant. Ouais. C'est-à-dire que ça et la sono à fond. Et avec les camions à un moment donné qui rentraient vers nous quand même. Donc c'est pour dire quand même les syndicats où est-ce qu'ils en sont quand même. Je veux bien qu'ils fassent leur balade et tout ça. Nous, on a laissé faire leur balade. Nous, on voulait faire juste une assemblée populaire à la fin de manifestation. Ils nous ont fait chier. Ils nous ont fait chier. Qu'est-ce que ça les emmerde qu'on fasse une assemblée populaire? C'est voilà. Donc, en Espagne, moi, je pense qu'ils sont dans un processus. Nous, on n'y est pas du tout. Nous, on est vraiment en bas du gouffre. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand on va encore descendre pour remonter, mais on n'est pas du tout dans un processus. Parce que sinon, eh bien, ces assemblées-là populaires qui s'étaient passées, moi, il me semblait que ça aurait pu, mais il n'y a rien qui s'est déclenché derrière. Si on était dans un processus, je pense qu'il y aurait eu davantage de monde dans cette assemblée populaire, que les gens, ils auraient eu davantage de discuter et qu'ils auraient peut-être commencé à s'organiser par eux-mêmes, à faire des choses ensemble. Chose qui ne s'est pas passée à ce moment-là, et chose qui ne se passe pas actuellement, et on voit bien que là ils commencent à déserter le truc, là, le 5 mars, ça a été, déjà, ils ont appelé, ils sont mal, les syndicats qui vont signer un truc avec le patron, alors tu as le gentil syndicat qui ne signe pas, et le méchant syndicat qui signe. Et ils vont dire, ils sortent de la truc tout tranquille et tout, bon on n'est pas d'accord. Ils n'ont pas foutu la zizanie pour dire on n'est pas d'accord avec eux. Mmh. On n'est pas d'accord. Bon, on va appeler les gens à manifester le 5 mars, période où les gens ils sont en vacances. Et c'est voilà, il y a des gens qui sont partis en vacances et tout. Bon, mais c'est pas du foutage de gueule. Hein. C'est du foutage de gueule. Hein. Faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Là, c'est bon. Là, on les voit, c'est énorme. Oui. Moi, je suis dans une boîte où il y a des milliers de personnes. Il y a un panneau d'affichage. Pour dire justement ce type. Rien. Le 28 février, moi je suis parti en vacances aussi. Le 28 février, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas une affiche pour dire rassemblement le 5 mars. Réveillez-vous, révoltez-vous, organisez-vous par vous-même. En fait. Voilà. Il est temps de changer les choses. Non, rien. Ils ont fait un tract bidon qui ressemble à rien. Voilà. C'est voilà. Donc là, et les gens ne poussent pas non plus. Parce que les syndicats, ils seront un peu plus rebelles quand les gens vont commencer à pousser. Mais tant que les gens ne pousseront pas, ben les syndicats, ils resteront mous du genou comme ils font aujourd'hui. Voilà. Sauf quand ils se font licencier. Alors là, ça commence, parce que justement, derrière, il y a les ouvriers aussi qui commencent à gueuler, et là, on voit qu'ils ont un peu plus de voix. Mais tant qu'ils n'en sont pas là, moi, j'ai vu, il y a un reportage qui est passé là, il n'y a pas longtemps sur Arte, là. Il parlait du mouvement d'ArcelorMittal. On voit là les gens qui reçoivent Hollande, qui viennent les voir et tout, ah, ils y croient, ils font la fête le jour où ils les luent, ouais, on les voit dans leur petit truc avec les cotillons et tout, ouais, c'est super. Et après, on voit le syndicaliste qui dit... Ah, on a été trahi. Oh là là, avec les larmes aux yeux, on a été trahi. Non, mais ils s'attendaient à quoi? Il n'y a rien à attendre d'eux. Il n'y a rien du tout, mais le problème, c'est parce qu'il faut. Il faut pas. Il faut être dans un camp pour croire que quelque chose vous pouvez changer parce qu'on a échangé ce bonhomme. Comme si ce bonhomme-là, il avait un réel pouvoir sur l'économie internationale pour pouvoir tout changer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des grandes promesses. Puis après, il s'arrange pour que le Conseil constitutionnel empêche que ça passe, pour que le Parlement ne vote pas, ou en tout cas, pour pouvoir dire, vous voyez bien, moi j'aurais bien voulu que ça soit comme ça, les 75% et tout le truc, mais vous voyez, ça ne peut pas. Donc, je veux dire, on va s'attendre à autre chose, en fait, de la part de ce système-là. Bon, il est évident que c'est sécurisant. Merde. Oui, après, sur... Tu as peur du vide. Sur les élections et le rôle que ça peut jouer, bon, ils ont été. C'est dramatique. Alors pourquoi ça peut pétarder plus en Espagne qu'ici? C'est parce qu'ici, ils nous ont bien joué le coup. C'est-à-dire que pendant 5 ans, ils ont tout focalisé sur Sarkozy en disant si ça va pas, c'est de sa faute, sans remettre en cause le système. Il y avait même des manifestations les jours anti-Sarkozy. Enfin, c'était vraiment, ils ont tout ciblé sur ce bonhomme. C'est-à-dire pas sur le système tel qu'il est vraiment, mais ils ont misé, mais les syndicats, ils ont tous misé là-dessus. Et effectivement, et pourquoi ça n'a pas pété avant, pendant les retraites, ou parce qu'il y avait encore les syndicats et les partis politiques qui étaient là et qui vous disent là ça ne bougera pas, mais vous allez voir, on va aller voter et en même temps ça va changer. Et les gens, et ça dégonfle le mouvement. Je crois que ça faisait partie de nos promesses électorales. Mais sur la retraite. Quand il s'est présenté, il a dit qu'il retournerait. Les promesses n'engagent. Oui, non, que ceux qui les croient. Bon, d'accord. Mais c'est vrai que ça fait partie du rôle. Le système est bien huilé. Et c'est vrai que les mecs, ils se retrouvent dans le lit. Ils sont KO debout, quoi. C'est-à-dire, qu'on ne comprenne plus. Ils font, on nous a dit d'aller voter, on va voter, boum, on voit encore que c'est la même chose. Ça, on devrait quand même en avoir, on devrait quand même en avoir l'habitude. Mais moi, nous, on en a l'habitude. Non, non, mais on en a l'habitude. Nous, oui. Mais oui. Les non, gens. Mais je crois que les gens, ils sont conscients, parce qu'ils ne vont pas déconner. Moi, je crois que. Sauf que, effectivement, les gens sont dans l'impuissance. Hein, ils sont dans l'impuissance, et puis cette impuissance-là, elle est quelque part sécurisante, parce qu'on a l'impression de sauver, bah, je ne sais pas, on joue une espèce de montre, quoi. On se rassure comme on peut, et c'est ça. Mais bon, les gens, ils sont conscients, on va pas dire à déconner, c'est pas possible, on ne peut pas être devenu con, qu'on soit devenu feignant, trouillard, ce que tu veux. Bon, les cons à ce point, je crois qu'on ne peut pas. Les gens qui ont voté pour Chirac en 2002, ils savaient très bien quand même qu'ils votaient pour Chirac. Ils l'ont fait parce qu'on leur a dit que Le Pen était dangereux. Ouais. Bon, et ils voteront Sarko contre Le Pen la prochaine fois, pareil, parce qu'on leur dira. Mais je veux dire, bon, moi je crois que les gens sont conscients. Non, mais moi je pense qu'il y a une petite dose de connerie qui va chercher à voter Chirac, oui, je le dis. Il faut, non, mais quoi, tu aurais voté Chirac, c'est Chirac que Le Pen ne serait pas passé quand même. S'il était passé, il ne serait pas resté. Je sais pas. Hein, ça ne serait pas passé. Et Chirac serait arrivé avec 62% des voix au lieu d'arriver avec 80. Il aurait moins de légitimité que ce qu'il a eu. Bah, il n'a pas autant de la légitimité, parce que la légitimité, on l'invente quand même. Oui, mais enfin bon, officiellement, je veux dire. Dans la réalité. Attends, je me revendique un mec qui est arrivé avec De Gaulle, quand il est arrivé avec 80%, il a joué dur là quand même. Bon, je veux dire, si Chirac avait eu les couilles de De Gaulle, peut-être que ça serait passé au prochain. Ça, un peu comme ça. Mais je veux dire, avant, quand tu donnes 80% à un dictateur potentiel, après, il ne faut pas t'étonner qu'il peut le mettre. Non, mais après, pour le vote de Chirac, moi, je pense, effectivement, vous faites partie de ces gens-là, qui pensent que, justement, en allant voter, on se bat contre les idées extrêmes droites. Moi, je ne pense pas que c'est en allant voter qu'on se bat contre les idées fascisantes. C'est pas dans les élections. Moi, j'ai beaucoup d'amis à moi qui m'ont critiqué parce que j'étais pas allé voter, mais qui ne font rien au quotidien. Qui voient des choses par rapport, notamment, vu comment on maltraite les sans-papiers et tout ça. Ben, je les vois pas se bouger, donc ils vont venir me voir et vont me dire oui, mais si, il faut que tu ailles voter chez Chirac. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Si ma lutte devait s'arrêter, ça serait là, quoi. C'est encore, ils m'en ont voulu parce que j'ai dit non, moi j'irai pas voter Chirac. C'était vraiment, j'ai eu vraiment, et qu'eux, ils foutent rien, quoi. C'est pas des militants, c'est pas eux qui vont aller discuter avec les gens, c'est pas eux qui vont aller dans les quartiers, c'est pas eux qui vont aller à Pôle emploi, c'est pas eux qui. Et ils viennent me voir à moi pour me dire faut que tu ailles voter Chirac. Non, moi, j'irai pas voter Chirac. Non, la question des idées, moi, je pense pas que... Justement, allez, les gens... Là, on est allé voter Sarkozy, on est allé... Tout ce que je vois, moi, depuis 2002, c'est l'extrême droite qui n'arrête pas de monter. Les idées, moi, je ce qu'ils avaient déjà, ils nous parlent de mettre plus de frontières. Ils veulent quoi? Ils veulent des murs. Non, mais c'est que les idées fascisantes, enfin, c'est pas parce qu'on est allé voter Chirac qu'elles sont allées en diminuant. Au contraire. Si on se bat pas au quotidien contre ces idées-là, eh bien, tôt ou tard, peut-être que on aura des fachos au pouvoir, comme on a déjà eu dans l'histoire. Donc si on ne se méfie pas et si on ne lutte pas au quotidien, eh bien, ça peut arriver, surtout en période de crise, parce que ça, on l'a déjà vu aussi en période de crise, c'est malheureusement dans ce moment-là aussi que ça se développe. Et c'est aussi aidé par le pouvoir et tout ça, c'est financé. Et d'ailleurs, on peut voir aussi en Grèce un petit peu avec l'aube dorée, là, mais je pense que ça va pas aller très loin non plus, enfin, j'espère. Mais on voit que c'est un groupe qui commence à monter un petit peu, et c'est des idées qui, voilà. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers l'ouverture, on va vers la fermeture, le repli sur soi, le repli identitaire et tout ça. Et ça c'est dangereux, c'est le pire combat, je et pense. Et particulièrement chez les jeunes. Là, on nous parle souvent de pragmatisme, etc., mais s'il n'y avait plus d'idéologie aucune. Mais enfin, contre le capitalisme, à travers ce pragmatisme, il y en a une, l'idéologie. Et la seule façon de la combattre, c'est de lui-même, justement, un projet de société, d'avoir une idéologie à opposer. Et le rôle de tous les partis de gauche, que ce soit en France ou ailleurs, j'ai l'impression qu'elle est de tuer l'idée socialiste, l'idée communiste. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait le Parti Socialiste? Elle fait une politique de droite. Et c'est eux qui passent les lois à la con. Et ils sont là, moi je dis, le premier objectif de cette partie, c'est de tuer l'idée sociale. Le Parti Socialiste. Ouais, c'est ça, c'est le même. Et si c'est derrière le panneau, Parti Socialiste. Mais l'idée est de tuer cette idée. Non, rien. Non, moi, je pense qu'il y a un truc moi, qui m'effraie de plus en plus, c'est justement que les idées d'extrême droite, là où actuellement elles se développent le plus, c'est vraiment dans la classe ouvrière. Moi, je travaille pour une boîte qui est une boîte industrielle. Moi, ça m'effraie littéralement. Et en fait, quand on regarde actuellement, de toute façon, le Front National, c'est le premier parti pour lequel votent les ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers, indiscutablement, je pense qu'il y en a plus que, beaucoup plus que pour le Parti Socialiste, beaucoup plus que pour le Parti Communiste et beaucoup plus que pour n'importe quel autre parti. C'est le Front National. Je crois que ça représente, il y a 30 ou 35% des ouvriers qui votent pour ça. C'est complètement hallucinant, quoi. Et donc, je veux dire que là aussi, ça montre bien, c'est quand même il y a un travail d'éducation qui n'a pas été fait. C'est le minimum que l'on puisse faire. Parce que c'est fait. Moi, je trouve ça, c'est quelque chose qui me stupéfait chaque fois. Ouais. Mais non, mais c'est effrayant. Mais on en arrive à des conneries de ce livre-là. Et c'est le résultat. C'est le résultat de toute une politique qui a été faite auparavant. Et la manque de formation. Et moi, il y a un truc également qui m'effraie littéralement, c'est au niveau des syndicats, la manière. Quand on relit les syndicalistes donc, du siècle dernier, les Pouget, les Pelloutier, etc., si tu veux, il y avait toujours un truc de dire attention, il faut faire bien attention à ce que la grève, à ce qu'une lutte ne se retourne pas contre nos frères de classe, contre les employés, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a tout un travail qui. Moi, je prends très souvent le train, par exemple. Très, très souvent. Mais un truc qui est stupéfiant, c'est que de la part de tes yates, tu veux dire, j'ai été, moi, donc, par la gare de Paris-Austerlitz, si tu veux, des soirs de départ en vacances de Noël. Et bien, je veux dire, il y avait une grève qui était là, et tu veux, tu voyais des milliers de gosses qui avaient 10 ans, qui avaient 15 ans, etc., et qui lui disaient, ouais, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas partir le train à la table? Mais c'est parce qu'il y a la CGT qui fait grève, etc. Je veux dire que c'était que le premier contact que des gamins ont avec, si tu veux, la lutte sociale, c'est ces salopards de syndicalistes qui nous empêchent de partir au truc. Je veux dire, et pourtant, quand tu relis les textes, je maintiens, des Pelloutier, de tous les fondateurs du syndicalisme, mais attention, il faut faire bien attention à ce qu'une lutte, elle ne se retourne pas contre soi. Je veux dire, c'est vraiment une volonté. Je suis persuadé qu'il y a une volonté également, chez tous ces mecs-là, que ce soit tous les syndicats institutionnels, de casser l'idée du... En fait, ils ont besoin des syndicats, mais sans syndiquer. Ils ont besoin de dire que nous, on reprend des syndicats, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait le syndiqué. Et donc, voilà. Et c'est quelque chose qui est stupéfiant. Et ça, moi, je l'ai ressenti viscéralement. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, plusieurs fois. C'est-à-dire que tu fais grève toujours, paf, au moment où il y a des départs en vacances. Là, tu es sûr que tu as. Et qui c'est qui va prendre le train en plus pour partir en vacances? C'est les pauvres. C'est évident. Parce que les autres, ils partent en voiture ou ils partent en avion. Donc, c'est clair. Et eux, tu les prives de vacances et tu les prives de trucs. Je veux dire, c'est significatif. Et des exemples comme ça, je peux en citer des dizaines. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si tu veux, on se démerde pour casser l'envie de faire grève chez les gens et que la première éducation qu'on leur donne quand on parle d'éducation, c'est on leur dit attendez, voilà. Mais je veux dire, c'est pour ça que bon, moi, c'est vraiment. Station chez eux, pareil. Dans les RER, les mecs, ils s'arrêtent ils se mettent en grève, ils sont là où ils sont, et les gens, ils ont encore 10 ou 15 stations à faire. Et ils doivent se les payer à pied. Ah ben non, mais absolument, mais je l'ai vu ça, moi aussi. Moi, je me suis fait choper, moi, une fois dans une grève comme ça, pour un truc. Si tu veux, mais c'est absolument hallucinant. Moi, je m'en foutais, j'ai pris un taxi. Mais il y a les milliers de mecs qui sont partis à pied ou qui ont passé leur journée, si tu veux, à attendre. Mais ça veut dire, c'est absolument infâme, si tu veux. C'est infâme. Et après, je veux dire, il ne faut pas s'étonner si les mecs, ils se syndiquent plus. C'est un cas corporatiste ou chaque corporation. Tu peux expliquer, toi. C'est une volonté de casser. Non, mais là, c'est très corporatiste. Oui, mais c'est... Mais contre qui ils luttent la population. On dirait qu'ils luttent contre la population. Ouais, je crois, moi, je partage. Parce qu'ils pourraient leur faire rentrer gratis, hein, pour une fois. Hein. Voilà. Disons, oui, alors ça serait... Vous payez votre ticket, hein, vous passez gratis. Hein. Mais c'est ce que tu dis, mais tu dis à mon attention, c'est illégal. Ça se fait des fois. À l'autoroute, oui. Quand l'autoroute fait grève, il faut passer gratuit. Oui. Après, des fois, ça arrive aussi qu'il y ait des... Ça, c'est des petites actions... Le mouvement des indignés pouvait faire entre autres, c'était les péages gratuits. Quoi. C'est-à-dire arriver, si vous voulez, voilà, les gens donnaient ce qu'ils voulaient, si vous les donnez, en tout cas, ils ne payaient pas le péage. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, c'est pas je veux dire, voilà. Et ça, pour le coup, ça crée un vrai mouvement de sympathie, parce que les gens se contentent de ne pas payer le péage. Mais bon, c'est cynique, Vinci. Mais tu mets les gens de ton côté, ou les usagers de ton côté, tu n'es pas contre toi. Je veux dire, c'est-à-dire qu'effectivement, parce que je veux dire, il n'y a rien de plus terrible que de faire une lutte contre les usagers, ou de faire. Fait, putain, on se bat contre. Enfin, je veux dire, ils te disent, on fait grève contre la SNCF, mais la SNCF, ils n'en ont rien à foutre. La SNCF, ou les gars du RER, ou les gars des patrons, ils n'en ont rien à foutre. Et ça ne fera pas un centime le moins dans la poche, rien du tout, il s'entend. Par contre, le mec qui prend le train et qui se retrouve bloqué, si tu veux, un 22 ou un 23 décembre, le soir, à passer la nuit à attendre que le train il parle, je peux te dire que lui, c'est évident. C'est évident. Et surtout quand c'est des gosses qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, etc. Ouais. Parce que moi, j'en ai vu. Mais c'était le truc. En même temps, si c'était comme le moment, là, je ne sais plus, il y a les grandes grèves dans les transports en commun, là, Paris a été complètement bloqué pendant je ne sais plus combien de temps. Là. C'était quelle loi là? C'était. Non mais attends, mais quand tu as... Moi je dis pas. Mais en même temps, c'est quand même les mecs, c'est quand même les mecs de la CGT, les cheminots, les machins, qui ont fait reculer le projet de loi, tu vois. Villepin le. Mais je dis pas du tout, si tu veux. Non mais attends. Non, mais juste. Mais là, je serais pas l'ordre. Hein. Non, mais j'ai absolument. Faire des grèves sympathiques et efficaces. C'est ce que je dis, moi je crois. De toute façon, l'action, on doit mener toute forme d'action, même si c'est qu'une simple sympathie ou autre qu'on fasse. Je crois qu'il faut que ça, il faut que quand même, si tu veux, quelque chose qui approche les gens, quelque chose qui soit relativement marrant, quelque chose qui. Les choses elles passent aussi quand tu leur présentes, quand tu présentes aux gens, des choses qui sont agréables, jouissives aux besoins. Ça aussi, c'est important pour faire passer un message. Si tu dois rien que faire chier les gens, moi je veux dire, bon, effectivement, peut-être que au travers de l'histoire, il y avait l'histoire du sabotage. Bon, quand les cheminots, le 19e, si tu veux, faisaient des actions, bon, et bien, par exemple, ils avaient une certaine. Bon, ils n'étaient pas le même public qui prenait un train aussi, c'est pas le même truc, mais en fait, il y avait des actions qui étaient intéressantes. Bon, c'est-à-dire, ils appliquaient le règlement. Par exemple, ils disaient, ah ben, vous vous emmerdez, on va appliquer le règlement. Donc, avant de partir, ils faisaient briller toutes les poignées de portes de train. Avant que le train puisse partir, ben, je veux dire, il vérifiait les signal d'alarme, il vérifiait les roues des trains. Et si tu veux, bon, les patrons, quand ils voyaient que les trains ne partaient pas, et bon, les gens leur disaient, ben, de toute façon, c'est pour votre sécurité, nous, on s'en fout, on applique le règlement, on a problème le règlement. Je veux dire, bon, effectivement, c'était des moyens, c'était aussi des moyens de pression. Enfin, on pourrait inventer de nouvelles. Bon, c'est pas forcément qu'on replique ce qui s'est pratiqué au 19e, mais je veux dire, on pourrait trouver une forme, une nouvelle intelligence de lutte. Et ça, moi je crois que ça aussi, ce serait notre particularité à nous, pour se différencier effectivement de ceux qui font exclusivement chier les gens, ou qui font des manifs, à longueur de trucs, où tu te fais chier parce que même, tu n'arrives même plus à. On le donne pied là-dedans. Donc, c'est ça, moi je crois qu'il faut arriver à inventer, à retrouver. Fais-moi. De toute façon, si tu veux, on peut. Il y a un état actuel qui est là, c'est-à-dire que d'une part, bon, tout ce qu'on a dit, ça me paraît parfaitement juste, hein, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à vivre pour les gens qui est de plus en plus importante, une régression absolument extraordinaire, et il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, les gens ici, t'es qu'à Nantes, t'as un chômeur qui s'est fait brûler vif, et bien t'as 200 personnes, 300 personnes dans la rue. C'est-à-dire, à Nantes, il doit y avoir 15 000 ou 20 000 chômeurs. Bon, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que même par rapport à ça, pour entre parenthèses, en Tunisie, t'as un mec qui s'est fait brûler vif, mais t'as eu une révolution qui a foutu une dictature en l'air. Il y a quand même une différence entre les deux, quoi. C'est un peu les boules, là, non hein c'est un peu les boules, quoi. La France, ça fout les boules, quoi. Ben ouais, non, mais justement, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est bien quand même le résultat de quelque chose, je veux dire. C'est la honte, tu peux dire. Après, ouais, effectivement, c'est savoir aussi où c'est qu'on en est et comment on fait pour améliorer les choses. Et je pense que, voilà, quoi, c'est tout. Mais je pense que comme ailleurs, eh ben, les gens, à un moment donné, ils vont commencer à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que s'ils ne se bougent pas, ben, rien ne changera. Et s'ils ne pensent pas à leur avenir, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? On va laisser le monde tel qu'il est là aujourd'hui? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme avant. Dans le passé, ils ont dit la même chose. Ça, on ne peut pas le laisser à nos enfants. On va essayer d'améliorer les choses. Et bien aujourd'hui, tôt ou tard, les gens ils vont se réveiller, je ne sais pas quand. Mais on ne pourra pas laisser les choses comme. Parce que comme elles vont, elles ne vont pas, c'est tout. Ça a toujours été dans le passé, on s'est toujours battu pour essayer d'améliorer les choses. Ça se passe dans d'autres pays que la France. Aujourd'hui, la France, c'est vrai qu'on est à un point. À un moment donné, peut-être on est en phase de dépression, quoi, justement. On voit les gens qui s'immolent, ça bouge pas, on est cachetonné comme je sais pas quoi. Mais moi j'ai quand même de l'espoir et c'est pour ça que je continue à discuter avec les gens et je vois que justement ça discute beaucoup quand même. C'est voilà, il y a des moments quand même qui sont positifs mais on part vraiment d'en bas. Hein, Moi, il y a une politique de compromis qui est tout à fait politicienne, qui a imprégné toute la population. Quand aujourd'hui, la seule chose qui est bien, c'est de faire du compromis. Oui. Et donc, on tombe dans tout ce qui est mouvement social, négociation, donc représentant. Donc, moi, je dis, la première chose qu'il faut faire, c'est refuser la négociation. Il manque de la radicalité. Cette politique de compromis, elle empêche toute forme de radicalité. Et c'est justement, je pense, le premier stade, c'est celui-là. Et quand elle s'exprime sous forme de suicide, bon, c'est aussi une forme de radicalité qui peut-être laisse entrevoir un changement qui vient par le mauvais côté, on va dire. Parce que je pense que ça ne peut pas durer comme ça, les gens ne vont pas continuer à se suicider et les autres à regarder, parce que c'est quelque chose, c'est pas possible. Moi, je pense que les gens sont en train de devenir fous, mais que la folie, elle n'est pas seulement passive, hein. Elle peut aussi se devenir... Donc je veux dire plus actif quoi. Donc et je pense que bon, la première chose à faire, c'est le stade, c'est de refuser la négociation. Et exiger. C'est déjà une manière de faire, je pense. Et savoir aussi arrêter. Quand on voit qu'on ne peut pas arriver au bout, comme tu l'as dit, savoir arrêter, savoir faire marche arrière. Tout ça, ça demande quand même, comme tu dis, une intelligence sociale et politique. Parce que bon, comme tu disais tout à l'heure. En Espagne, qu'est-ce qui distingue les Espagnols de nous? C'est qu'il ne faut pas de distinction entre politique et social. C'est eux-mêmes qui font la politique. Et aujourd'hui, qu'on ait le social de côté et que les gens acceptent que le politique soit autre chose, eh ben, ça ne fait qu'une chose, ça ne fait que refléter la distinction de classe. Quoi. La politique, c'est faire des bonnes affaires pour les patrons, et le social, c'est de l'assistanat et donner de l'argent. C'est ça le social. L'idée que les gens alors que le social, c'est quand même ce qui lie les gens entre eux. Non, ben, l'idée que les gens pensent du politique, c'est vraiment, ben, voilà, c'est tout sauf ce que toi tu appelles le social, alors que le sens du politique, il est immédiat, il est présent, il est politique, au quotidien. La cité. Tout à fait, c'est la cité. De réinvestir le champ du politique, c'est réinvestir sa cité, les rapports. Ben ouais, absolument. Quoi, les médias, les rapports d'autorité entre les individus, etc. Mais je pense que les gens aussi. Un manque de... Enfin, je pense qu'il y a un manque aussi d'idéologie, de projet politique. Enfin, je pense que ça... Enfin, ça manque, parce qu'un type qui suscite... C'est quand même un type qui voit pas ce qui est possible, quoi. Il n'y a pas de... Et je pense que c'est... Enfin, la crise, elle est là aussi. Enfin, l'effondrement du système soviétique dans la classe ouvrière, ça... je crois que ça pourrait être rien, quoi. Enfin, même si c'était déjà effondré depuis longtemps, mais en même temps, du coup, je crois que les gens... Et puis... La liquidation des mouvements anarchistes, moi je pense, avant-guerre, à cause du gentil Staline, je pense que ça. Il n'y a plus rien, enfin les gens. Moi je pense que c'est là peut-être où ça peut être intéressant de travailler avec les gens, de discuter avec eux. Je pense que c'est peut-être quelque chose à reconstruire. Enfin, moi je pense qu'il y a un besoin de reconstruire. Après, par exemple. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, ça serait de recréer le dialogue entre les gens. Et je pense que ce dialogue-là, il se recrée au quotidien dans toutes nos actions. Et par exemple, je vais citer une action qu'on avait faite à la CNT à Toulouse. J'habitais donc dans des HLM à Toulouse, dans un quartier populaire. Et par le constat que l'ascenseur ne marchait jamais. Jamais, jamais. Donc, c'est-à-dire c'est des tours qui font 8 étages, il y a des vieux, des familles qui habitent, et l'ascenseur ne marche jamais une journée continue. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se dit, hein, la pression de l'OPAC et tout ça, soit on se dit, bon, on va recréer le dialogue. Donc je raconte un peu la lutte, comment ça s'est passé. Pétition. Après tout, on va aller parler avec les gens. On toque à chaque porte, il y a peut-être 400 logements. Et là, les gens, quelque chose qui fédère. Je veux dire, là, on parle de quelque chose qui est concret, c'est notre condition de vie, un ascenseur. Et là-dessus, des gens, ah oui, oui, l'ascenseur marche jamais, ça ne va pas, on signe la pétition. Et là, sur le coup, on dit, ok, bon, on ne va pas faire que une pétition, ce qu'on va faire, c'est que ben, tel jour dans la semaine, on va se donner rendez-vous et puis on va discuter. On va faire une liste de tout ce qui ne va pas chez nous, dans telle cité, puis on va discuter. Paf, et là, j'ai un jour dans la semaine, un matin, 40 personnes qui viennent. Bon, ben, ça veut dire qu'il y a 400 logements, environ il y a 4 personnes par logement. C'était quand même une bonne moyenne, 40 personnes, sachant qu'il y a des gens qui travaillent quand même, qui ne peuvent pas venir. Beaucoup d'étrangers qui ne parlent pas très bien, donc on s'exprime, mais c'est pas génial, génial. Et là, bon, 40 personnes, c'était plutôt pas mal. Et là, on crée bon, une petite liste de ce qu'on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va à l'OPAC. Et là, on se pointe à 40 dans les bureaux de l'OPAC. Là, bon, il fallait voir la gueule des gens de l'OPAC. Hein, parce qu'il y a 40 fous qui ont pas le temps à une heure avant en disant il y a des rats, ça pue, l'ascenseur ne marche jamais, il y a de la moisissure dans les plafonds, machin. Et là, alors, bon, la réaction de l'OPAC, bon, mais qui est le représentant ? Et là, ben non, mais nous, on n'a pas de représentant, hein, vous nous recevez à 40, là, attention, on habite là. Bon, là, ça rigole parce que les gens d'un côté, ah ouais, c'est vrai, pas de représentant. Et donc, on se retrouve, bon, en face, évidemment, les deux responsables de l'OPAC blêment, qu'est-ce qui se passe ? Attention, le feu va partir dans la cité. Donc là, ben, le dialogue se fait, les gens se parlent, se racontent, ben, moi ça fait tant de temps que j'habite à Palo, tout ça. On voit alors deux types de personnes, c'est-à-dire les personnes qui veulent réellement lutter et d'autres qui nous font part d'un certain mal-être et dont on retrouve un problème récurrent, le racisme. Et là, on se voit alors des discours genre ah oui, puis d'ailleurs dans cet ascenseur, bon voilà, il y a des gens qui font pipi, je pense que c'est les Arabes du troisième. Et là, on remet les choses au clair. Ok, non, le pipi qu'il y a dans les ascenseurs, c'est les gens. Hein, parce que. Et c'est les chiens, pardon. C'est les chiens, parce que sur 8 étages, un chien, il ne peut pas se retenir. Et en même temps, même si c'est quelqu'un. Enfin, je veux dire, un petit vieux sur 8 étages, quand l'ascenseur, il met 4 minutes pour monter, on a envie de faire pipi, mais on fait pipi, oui. Et là, les gens, ça leur remet. Ah oui, c'est vrai, l'ennemi, c'est peut-être pas mon voisin ni l'arabe du coin. C'est peut-être qu'aussi nos bâtiments, ils ne sont pas bien faits. Donc je pense qu'à chaque fois, en fait, dans nos luttes, on peut arriver par des petits exemples à faire en sorte que les gens se parlent, se réapproprient leur espace au final, et toujours essayer de remettre l'ennemi. Attention, c'est pas ton voisin, qu'est-ce qui marche pas ? C'est la société dans laquelle on te met, en fait. Parce que là, on parle de logement, mais au final, l'OPAC, c'est quoi ? C'est la mairie. La mairie, ça fait partie des systèmes, c'est l'État, etc. Ah bon, et résultat des courses, en fait, pour finir. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Bon, bah, évidemment, on a fait plein de petites assemblées, les gens se parlaient, on a obtenu un ascenseur qui maintenant marche tout le temps, il est réparé dans l'heure si jamais il y a un problème, ils nous ont repeint toutes les coursives, ils font des dératisations bien plus souvent qu'avant, alors qu'avant c'était une fois tous les deux ans, maintenant on a une dératisation tous les trois mois, et ça sans rien. Je veux dire, il a fallu qu'il y ait 40 personnes un peu motivées qui aillent et qui se battent. C'est sûr que l'implication sur le terrain, ça. Et voilà, et maintenant les gens se connaissent, ils se parlent et il y a du résultat. Donc je pense qu'en fait, ben, on se dit on ne pourra jamais changer les choses et tout. Bah ben, si, déjà on peut changer pas mal de choses, rien qu'en recréant des petites solidarités. Donc à nous de trouver les exemples. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'immédiat ? Et je pense qu'après. Parfois, on peut être surpris par les mesures. Mais il faut partager le diagnostic. Oui, tout à fait. Partager le diagnostic. Ouais, ouais. Le problème dans les entreprises, c'est qu'on ne partage pas souvent les diagnostics. Le diagnostic. Le problème. Oui, c'est les spécialistes qui disent quels sont les problèmes, finalement. Et, c'est pas, et puis, oui, il y a des gens qui ont... Qui cite un problème, les autres disent oh, mais ça c'est pas un problème, c'est rien du tout. C'est que pour toi que c'est un problème. Et les gens sont pas d'accord sur les diagnostics. Ils arrivent pas à se mettre d'accord sur. Oui, ben oui, il y a la concurrence qui se joue aussi à travers ces choses-là, quoi. Donc c'est, j'ai envie de dire que peut-être que la façon d'aborder les choses. Elle n'est peut-être pas exactement la même selon les contextes, ou je ne sais pas, peut-être j'ai tort, hein, parce que je trouve que c'est assez parlant, par exemple. Oui, et puis alors après, ce qu'on avait fait aussi, c'est que par exemple, les gens disaient, alors on parlait des ascenseurs, et ils disaient, ah oui, mais alors quand on était 40 et qu'on disait, oui, vous comprenez, il y a du pipi dans les ascenseurs, alors les gens de l'OPAC disaient, Ah ben oui, mais bon, il y a des gens qui sont sales. On disait, ah ben alors s'il y a des gens qui sont sales, vous avez qu'à nous construire des petites toilettes à chaque étage. Et là, il rigolait. Mais on disait, mais pourquoi pas, ben, tout, oui. Vous nous faites des toilettes privées à chaque étage avec un petit lavabo. Donc je pense qu'aussi, il ne faut pas avoir peur d'être demandeur, quoi, et d'aller bien plus loin, ben pourquoi pas. Donc, et ça marche, parce qu'au final, ben, ils ont flippé, toute la barre a été complètement refaite. Je pense que ça marche, ça réveille quelque chose, en fait. C'est sûr que les mobilisations comme ça, ça marche. Moi, je l'ai vérifié une fois et c'est d'ailleurs assez saisissant, tellement j'ai l'impression que les institutions, les organismes ont plus l'habitude de ça. Ah, ben non, c'est sûr. Je pense que les gens vont trouver ça normal après la façon dont c'est fait. Ah, ben mais même, c'est naturel. Même un peu, hein. Mais est-ce qu'après, elle est pas retombée cette solidarité? Alors après. Alors voilà, c'est compliqué. Alors après, le problème était que. Parce que là, il y avait un problème à régler. Voilà. C'est comme quand il y a justement une manif dans le métro, du coup, les gens commencent à sympathiser, tout ça. Et puis après, ça retombe. Enfin, alors après, ça retombe parce que il faudrait honnêtement être. Enfin, quand on veut faire un petit truc comme ça, il ne faut pas être tout seul, évidemment. Tout seul, on prend sur les épaules un poids énorme. Et là, on était, moi, une copine qui habitait aussi dans le truc, quelques copains qui venaient aider de la CNT, mais en fait, moi et ma copine, on était quand même vues dans la barre comme celle qui... Voilà, les meneuses. Et à enlever cette image, ils disaient aux gens, non mais je ne suis pas la chef, je... Voilà, allez-y, demandez, et puis si je ne peux pas venir, allez voir le parc, il n'y a pas de souci. Mais les gens, ils ont encore ce schéma dans la tête de, il faut quelqu'un. Et donc finalement, maintenant que je suis fatiguée et tout ça, ben, Donc bien sûr, après, ben, c'est un travail à faire de longue haleine. Je pense qu'il faut être un groupe de personnes, le faire, disons, et puis apprendre aux gens un peu à récupérer la lutte. C'est ça, en fait. Il ne faut pas, se l'approprier. Après, il y a plusieurs choses. C'est que ça laisse des traces, c'est ça. C'est que les gens qui l'ont fait une fois, ils savent que s'ils se retrouvent confrontés à un même type de problème, mais que là, c'était sur leur logement, ça peut être à leur travail, ça peut être avec n'importe où, dans n'importe quelle autre situation, ils savent que c'est possible et que ça peut marcher comme ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est ça, c'est de dire, mais, on se met à plusieurs, on résout le problème, et boum, on rentre dedans. C'est l'action directe. Parce qu'après, il y avait des réactions intéressantes dans le genre où des gens disaient, oh, mais c'est vrai, après tout, ça pue chez nous, on a des rats, l'ascenseur ne marche pas, et on paye des charges. On n'a qu'à tous arrêter de payer des charges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, on est content, on entend un truc comme ça, on fait, ben voilà, mais quand même, arrêtons de payer, c'est vrai, après tout, on va se laver chacun notre petit coin de coursive, et puis... Non, mais c'est vrai que les gens s'en souviennent. Moi, il y a un truc, dont quand on avait fait la lutte des Belles en Aéropolis, à la fin de la lutte, donc on avait fait donc, une petite assemblée générale, et même des ouvriers qui n'étaient absolument pas... Ils disaient, ben ouais, ben on a compris qu'en fait, ils n'ont pas adhéré à la CNT ni quoi que ce soit pour autant, mais en fait, les gars disaient, ben ouais, ben là, on a compris, quoi. Les gens le disent, c'est-à-dire que même si en fait ça ne se traduit pas par des actions ou quoi que ce soit, les gens ils s'aperçoivent que le fait de gueuler, etc., c'est parce que chez Nivelle, bon, c'est Nègrepelisse, c'est la campagne, c'est essentiellement la plupart des gars, c'était des gars qui étaient à la fois agriculteurs et puis donc ils bossaient à l'usine, donc je veux dire un milieu particulièrement sans aucune tradition de lutte ou de quoi que ce soit. Et les gens, à la fin, ils disaient, il y en a au moins quelques-uns, ils disaient, ben, on a compris, quoi, bon, effectivement, on va pas. Voilà. Donc, ils avaient tiré des leçons de cette lutte, quoi. C'est aperçu qu'en fait, qu'on pouvait faire des choses. Donc, je veux dire, c'est pour ça, moi, j'y crois. Mais simplement, bon, il faut bien comprendre que c'est des luttes comme ça, c'est hyper, hyper minoritaire, quoi. Donc il faut généraliser, arriver, c'est créer un véritable esprit de solidarité, de lutte, comprendre. C'est un travail d'éducation qu'il y a à faire et qu'il faut reprendre à zéro parce que ça a été complètement oublié, quoi. Moi, je suis stupéfait, j'ai fait des remarques qu'on pourrait en sortir à longueur de journée, quoi. Les gens, actuellement, bon, dans la boîte où je suis, moi, je parlais avec des collègues, donc on parlait des retraites. Et les mecs disaient, alors les plus jeunes, ils disaient, ah, ben ouais, ben, nous, la retraite, on ne l'aura pas, de toute façon, la façon dont ça va. J'ai dit, bon, d'accord, enfin, vous n'en rirez pas, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est vrai, c'est le moment. Oh, ben, de toute façon, on ne peut rien faire, etc. Je veux dire, c'est. Mais les mecs, ils te disent carrément, ben non, de toute façon, on est condamnés, on va bosser jusqu'à 80 balais, etc. Et puis évidemment, ils ont 30 ans. Mais je veux dire, c'est un truc, ils l'acceptent, quoi. Ils l'acceptent. Ah, oh, mais de toute façon, on ne peut rien faire, c'est foutu. Donc je veux dire, ils l'ont intégré. C'est incroyable, c'est absolument incroyable, quoi. Demain, on va nous dire, on remet l'esclavage, et oui, mais très bien. Ouais. Demain, je serai esclave. Mais c'est pratiquement ça, quoi. C'est ça. C'est qu'un blasé, parce que moi, je trouve que, je sais pas, les pétitions, des fois, qu'on signe, on sait pas si elles sont envoyées, on sait pas où ça va. Des manifs, moi, j'en ai fait plein, j'ai jamais l'impression que ça sert à grand-chose. Hein. Et bien sûr, oui. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on est tout un monde qui les menons. On est pas dedans, collectivement. Oui. Évidemment, moi je n'ai jamais été à l'initiative de rien du tout comme toi, mais du coup je pense qu'il y a toute une partie de la population qui est un peu blasée en effet. Ben oui, on a réussi à faire croire aux gens que les luttes ça ne servait à rien. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de luttes qui n'ont servi à rien. Des fois on s'est baladé dans la rue où ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. C'est Frédéric Lordon qui disait les manifs en général elles font toujours dans les quartiers où ça dérange personne. C'est vrai, il disait à Paris vous avez toujours de République et machin parce que c'est pas du tout dans le quartier des affaires, c'est pas du tout dans le quartier des plus grands. En général, ça va toujours. Ça les réveille même pas. Mais bon. Mais il faut déclarer les manifs, il faut partout, il faut. Mais ça, après c'est nickel, hein. Après vous au bout du Nord. C'est désobéir et faire une manif en partant de 10 points différents, 10 rassemblements différents dans la ville. Et là, le dispositif policier, il ne fait plus en rien. Parce que c'est uniquement pour ça qu'ils cherchent à contrôler les manifestations. Mais si un jour on veut les dérouter, c'est facile. Hein. Il suffit de faire 3 points différents. Il ne faut pas 3 fois plus de dispositifs, il faut 10 fois plus de dispositifs. Rien que ça, par exemple. Mais par exemple, bon, quand on parle de pétition, si tu veux, la pétition, bon, ça peut être un outil absolument redoutable, c'est de la délégation totale. C'est-à-dire qu'effectivement, les gars, attendez, j'ai signé la pétition, et de toute façon, non, j'ai fait mon devoir, je suis contre le nucléaire, j'ai signé une pétition contre le nucléaire, mais pas tranquille, on ne fait plus rien. Hein. Occupez-vous, je vous ai fini ma signature, vous démerdez pour moi. C'est comme ça que c'est vécu, si tu veux, une pétition. Une pétition, bon, ça peut être quelque chose de positif, si les gens l'assument et s'ils sont derrière, s'ils s'en occupent. Mais à partir de l'instant où c'est uniquement pour donner ta voix ou pour donner à quelque chose et à d'autres qui ensuite vont l'utiliser, ça n'a strictement aucun intérêt. Hein. Si c'est pour faire une pétition que les mecs vont aller porter à un député ou je ne sais pas à qui, enfin peu importe, et puis on s'en. Voilà, c'est une démission. C'est exactement comme le vote, si tu veux. Ça peut être vraiment une démission. Tu es emmerdé, tu as un problème, tu fais une pétition, tu signes, mais ça y est, maintenant vous en occupez. Hein. Le problème, vous le réglez, moi je m'en. Non, effectivement. Donc je veux dire, c'est aussi un outil qui peut être un outil de démission absolument extraordinaire. Non, moi, je ne signe plus de pétition, moi, c'est fini. Quoi. Non, mais parce que vous l'occupiez, parce que c'est vous qui l'a. Vous y étiez derrière. C'était une manière de dire. Voilà. Puis c'était surtout utiliser un outil que les gens connaissent pour finalement que les gens nous ouvrent leurs portes. C'est rentré. Bon, là, il faut dire bonjour. Les voisins, on a décidé de mettre tous notre signature. On avait fait la même chose pour la rue Bessière. Il y avait eu un mouvement à Montauban. Il y a eu la rue Bessière à un moment donné. Et fait, pour les poubelles de la rue Bessière. Donc, je veux dire, le copain qui était là-bas avait commencé par faire une pétition pour que les gens, effectivement, ils participent. Il y avait une histoire de poubelles, si tu veux, parce qu'il avait décidé de ne plus ramasser les poubelles dans cette rue. Et donc, du jour, les gens scandalisés, etc. Et fait, mais je veux dire, ça permet, effectivement, ça peut être un outil à partir de l'instant où on s'en occupe pour mobiliser les gens. Mais il faut que les gens soient derrière. Ça peut être à la fois un outil très positif, mais ça peut très facilement devenir un truc extrêmement pervers. Un truc qui va permettre aux jeunes de dire de faire une démission. Quoi. Donc voilà, il y a toujours ce côté. Quoi. C'est-à-dire que la manière dont on utilise une arme, ça peut être positif comme ça peut être également. Oui, je dis, il n'y a pas de mauvais outils. Hein. Même, je veux dire, l'élection, bon, c'est pas la peine. Même le vote, on va dire. À un moment donné, on peut avoir besoin de voter. Mais je ne parle pas de voter pour élire. Hein. Je parle dans une assemblée ou quoi, rien que pour prendre les avis des gens, pour voir comment c'est réparti. Ça peut être un outil. mais sans que ça devienne, je veux dire, systématique. Mmh. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais outils. C'est ça que je veux dire par là. Tout comme la pétition, comme n'importe quoi. Oui, oui, on est d'accord. Je reconnais vraiment là, disons, des trucs où il va falloir que nous-mêmes on construise des nouveaux outils de lutte pour pouvoir lutter correctement et pour pouvoir, ce que je disais au début, recréer des espaces de discussion, recréer des espaces de lutte pour essayer de changer tout ça, parce que là ça va plus. Là. Moi, si je veux des enfants un jour, j'espère pas que dans 20 ans ce sera comme c'est aujourd'hui, quoi, parce que là, pour moi, c'est on arrive quand même, si on n'arrive pas à changer le système capitaliste, pour moi, là, ils veulent nous amener dans un mur. Je ne sais pas où c'est qu'on va aller, mais avec le nucléaire et tout ça, les guerres qu'on fait et tout ça, moi, franchement, moi, je vois mon neveu, quand je le vois, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser à eux, quoi ? Quel monde on va leur laisser, quoi ? On est en train de détruire tout ce qui est naturel et tout ça, pour faire du chimique, alors qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus simplement. Voilà, c'est quand même jusqu'où on va aller, jusqu'où on va aller. On est allé loin là quand même. Ça monte pourri, mais rentable. Ah oui, ça ramène du fric. Bon, le fric, ça va au moment, quoi. À un moment donné, bon. L'éducation que les parents font aux enfants. J'ai vu dans ma génération, etc. Les parents ils t'appellent, donc il faut être. Bon, qu'il ne faut pas prendre de risques, qu'il faut étudier à l'école, qu'il faut bien. Si, qu'il faut être obéissant. Tout ça, ça passe aussi. Hein. Et il y a toute une génération, je pense, qui fait les frais de cette éducation. Et je pense que les enfants qui viennent maintenant, peut-être ceux de 10 ans, etc., qui vont voir que leurs parents leur disent il faut faire ci, il faut être bien, il faut rentrer dans le système et tout ça, ils vont dire que bon, qu'ils n'ont rien à apprendre du système, mais bon, à un moment donné, il y en a qui vont forcément se révolter contre tout ça. Et ça va donner, des initiatives, une autre manière de procéder. Je pense que les gens vont se reparler. Moi, je ne suis pas pessimiste hein, sur l'être humain. Hein. Mais bon, je pense que c'est une question de timing. Je dis qu'il y a ce côté-là aussi. Parce que quand on regarde le 60 mai 68, qui c'est qui a fait mai 68 ben, c'est surtout les enfants de 39, 45. Tous les gens qui ont vécu l'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre. Qui ont peut-être emmagasiné... toute cette volonté de se battre de leurs parents et qu'ils ont voulu la mettre en avant. Moi, je pense que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, les choses. Quelque part, il y a une forme d'inconscient collectif qui se met en avant. Enfin, je ne sais pas si je suis arrivé à être clair sur ce que je veux dire, mais... Si, mais... Je pense qu'il y a un peu ce côté-là aussi. Parce que ce qui se développe aujourd'hui, c'est ce qu'on a intégré il y a 15 et 20 ans, peut-être. Les jeunes qui arrivent maintenant, ben, ils font les... Bon, ben, je pense qu'il y a ce côté-là aussi. C'est un côté plus psychologique parce qu'on voit les choses d'un point de vue politique, d'un point de vue social, etc. Mais il y a un côté aussi mental dans les gens.